Je suis charmant et je suis mince, beau, grand. Que fait mon quand je monte d'air? Dans un instant, je me roule par terre. De mec à dame, t'accent pour dame d'oreille. Si j'étais pas à court, la fête ta femme, t'accent sans dame. Pas question de pantalon, c'est court. Mon arbalète, sa carotide se font risette. Je suis trop speed, le mec se marre. Alors j'appuie si j'ai gomme, tant pis pour lui. Ah, tu? Ouais, je l'ai. Ah, ah. Six pieds sous terre à labyrinthe, à la vessie, j'entends des plaintes à verger. Encore des enfants, les petits grands-pères et les mamans à la nation. Tout le monde descend de trois sous le matin ensemble. Vire du prince, ça veut t'avoir. Tout à fait, ça fait à goma. Qui dit news 10 pour nos petits. Princesse, ton fol amour de m'assiste. Et toi, flashback, le temps j'ai dit c'était quoi? Soir de la cour, qui naît leur amour. La neige était blanche dans l'ancienne France. Bonjour. Bonjour, là les nouvelles, elles sont pas belles. L'antenne de Paris me l'a bien dit. Je suis la spirine d'avant le film. Bonjour. Mais qui me guette sous l'abribus? Mais qui te guette sous l'abribus? Sandra, Gombleu, Mirage et Mystère 2. Que le grand cric me croque raqué par le grand bouc sans master plus rapplique masticoté. Je dis que je craque, je stocke, stop clic d'une claque et top débarque. Et ping et bang, oh bon fait ton tête. Bouge un peu tes fesses, vois mon amant dans ce tourment. Va tout lécher à me trouver. Oh notre sorcière, mais que penser? Qu'on les laisse, ce suspense. Le mot de passe. C'est Cam, ouvre-toi. C'est Cam, ouvre-toi. Mon héros. Mon héros. Mon héroïne. Bonjour. Bonjour. Dans le champagne.